Il dit : Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide !